la perdu. Sa blondeur et ses pures. Te donnerai mon sang pour pouvoir la toucher. Pureté innocente, divine et réservée. Pour moi c'est un ange. Descendu du ciel dans ce style de destin. Déception, désillusion. Déception, désillusion. Un bar, à l'amour à la crue, mais tant de fois déçu que les hommes ont fini par l'écouter, laissé abandonner. Comme sa mère va passer, elle l'a pas supporté. La petite vie, car moi je t'aimerai. Déception, désillusion. Déception, désillusion. S'assoit au comptoir, elle ne se tarde pas à venir à draguer. C'est le plus bizarre qui traîne dans ce bar. Elle se laisse faire, se laisse payer un verre. D'un sourire tendu, jamais j'aurais pensé qu'elle était si facile. Déception, désillusion. Déception, désillusion. Presque aussitôt, pendant un hôtel, elle ne dit plus un mot. Comment ai-je pu aimer une salope pareille? Elle sort à la salle de bain, complètement dévêtue, un rasoir à la main. Ça te rend malade si tu le gratis. Déception, désillusion. Déception.